100% rap français, planète rap. Et c'est la nocturne. C'est parti pour la nocturne, mais je suis tellement pressé parce qu'il y a plein de choses ce soir dans la nocturne. Il y a Siana qu'on va retrouver en ligne, Ous juste après qui débarque de la Côte d'Azur. 100% rap français. Comment ça va, Siana? Ça va super bien. Je sais que merci. Tu sors de scène il y a quoi, quelques heures maintenant. Ouais, c'est super lourd. T'es en Suisse? Ouais, à Genève. À Genève. Bon, et après, tu pars où, Siana? Tu reviens? Ouais, on revient sur Paris, on continue à travailler sur l'album. On repart ensuite sur des dates. Bon, en tout cas, je suis très content parce que tu es venu. Enfin, tu m'as dit, il faut passer une exclue, un titre, un clip qui sort lundi, c'est ça, Siana, hein? Exactement, lundi midi. Lundi midi, il y aura le clip qui débarque. Ça s'appelle Ainsi va la vie. Ainsi va la vie, premier extrait de mon premier album. Je suis très très très très contente et très fière. J'attends les retours et vivement lundi. Donc on peut dire que c'est le premier extrait officiel de ton album, hein, c'est ça, Siana, hein? Exactement, ouais. Et on pourra le trouver aussi, est-ce qu'on pourra le télécharger aussi légalement, hein, je parle? Sur toutes les plateformes, ce sera disponible. Et ben on va le découvrir maintenant dans la nocturne. Il y a un problème sur la ligne, donc je... c'est un peu complexe, mais ça doit être le contact avec la Suisse, je sais pas, il y a un blocage avec la Suisse, Siana. Tu m'entends? Ouais, je t'entends là, ne bouge plus, voilà. On va donc découvrir ce morceau. Je tenais à te remercier donc d'être passé rapidement dans la nocturne ce soir. Bah, merci à toi, Fred. Merci. On va découvrir, on va te suivre aussi. L'album, t'as une petite idée, Siana, il arrive quand cet album? Il arrive début 2016, entre février et mars. Donc entre février et mars. D'accord, ça nous laisse une petite fourchette d'un mois. Donc on guettera ça entre février et mars. Le premier extrait donc débarque lundi. Le clip débarque lundi. Le son est déjà dans la nocturne, on va l'écouter. Et puis en téléchargement dès lundi. Je te fais un bisou. T'embrasses tout le monde. T'es avec qui? T'es avec Seven? Ouais, je suis avec toute l'équipe, Steven, moi, DJM, il y a DJ Krim avec nous. C'est très très lourd. Et voilà, gros bisous à tous ceux qui étaient là et merci à tous ceux qui soutiennent, comme d'habitude. Et bon, on écoute merci ce morceau, beaucoup. Ainsi va la vie, on débute la nocturne, après on retrouve Ous. Merci, je te fais un bisou, Siana. Bisous, Fred. Ciao, merci ciao. Planète rap, 100% rap français. Exclu dans la nocturne, Siana, Ainsi va la vie. On a du pop les cours, mais maintenant on court à notre père. Mais à cela, il y a du chef Paul qui arrivera en tête. Je suis pas attaché au rap, mais je veux quand même faire un casse. Parce que si demain tout s'arrête, j'irai chercher un taf. On a dit fuck les cours, mais maintenant on court à notre perte. Mais à Jeu là, y'a Usain Bolt qui arrivera en tête. C'est dur à dire, mais ma couleur est un handicap. Ils prennent de l'âge, mais leur tolérance ne grandit ap. Depuis tout petit, j'ai le cul entre deux chaises. Chez les Céfrans, je suis une Renoir. Chez les Renoir, je suis une Française. Donc, je vis une vie de métisse malgré ma couleur ébène. Mais je sais qu'on verra rouge si on se met à se tailler les veines. Je suis parfois mal à droite, mais je suis pas mieux à gauche. Et si j'écoute plus de rap, c'est que j'ai déjà eu ma dose. Souvent dans le doute, j'ai jamais connu de bénéfice. J'ai rien à perdre, malgré de nombreux sacrifices. Je me trouve pas d'excuses, je suis pas la plus à plaindre. Mes phobies sont minimes, car à part Dieu, j'ai rien à craindre. Avant de l'avoir rencontré, des histoires secrètes trop difficiles à raconter. Mes sœurs, faites attention, et mes frères également. Car dans ce bas monde, c'est trop petit qu'on tombe dans l'égarement. Mes potes me disent, Siana, certes que maintenant on t'entend partout. T'inquiète, je sais qui était là au tout début du parcours. Je me suis toujours promise de garder certains principes. J'évite de faire le mal, même lorsqu'on m'y incite. Je suis seule, je vais repartir seule, je l'ai toujours su. On en a jamais assez, on en veut toujours plus. Je fais ma musique, sinon je traîne avec mes potes. Tout va bien, mais des fois je me remets à penser à l'époque. Mais à quoi bon? Je peux pas faire marche arrière, je suis lancé, je dois avancer, je peux pas caler dans ma carrière. Je le fais avec le cœur en rajoutant un sourire. Même si ça doit s'arrêter, j'en garderai un bon souvenir. Ainsi va la vie, je crie, car j'ai un but à atteindre. Ainsi va la vie. J'en suis depuis que j'ai croisé Linda. Ils m'ont donné ma chance et ça, crois-moi, je le nie pas. J'oublie pas Issa, Mohand est bien sur numéro 7. Depuis que je travaille avec vous, y'a que la réussite qui m'obsède. Je veux faire sourire les gens, leur montrer qu'ils sont pas seuls. Qu'on a les mêmes emmerdes et peut-être même les mêmes passions. J'ai rien de plus plus que personne si ce n'est peut-être du talent. Mais pour autant je me permettrai pas de prendre du galon. Je passe mes soirées dehors à tourner dans la ville. Mes potes et moi on risque de finir à l'asile. Mais c'est la vie et on se tue à la vive. Préfère rester avec la mif à écouter de la zik. Parce qu'en vrai ailleurs mais j'ai du mal à suivre. J'ai fait du mal, j'ai fait du bien mais j'ai peur du résultat. Dieu est grand et au jugement y'a des preuves irréfutables. Je me pose un tas de questions comme tous les jeunes de mon âge. Comment vais-je trouver la paix? Comment vais-je sauver mon âme? J'écris car j'ai un but à atteindre. Ainsi va la vie, tout brille et tout finira par s'éteindre. Dans la vie rien n'est acquis, mais tout est écrit. Mon destin me sourit et si le pleure je n'irai pas me plaindre. Ainsi va la vie, j'écris. Ainsi va la vie. Exclu pour la nocturne, Siana, ainsi va la vie. Lundi le clip, midi. La nocturne, 100% rap français. Juste après le son, on exclut de Siana. Je vous le disais, il vient débarquer du sud en pleine forme. Monsieur Ous, comment va? Ça va ou quoi, Fred? En pleine forme? Tranquille, et toi? Bah, tout se passe bien, j'ai l'impression, pour ce premier projet qui est dans les bacs. Ah, ça commence bien, c'est cool. French Riviera, c'est sorti il y a quelques jours. Ouais. C'est dispo en téléchargement légal. Et dans tous les magasins de France. Et tous les magasins de France. Ous, rappelle-nous rapidement un peu qui tu es. Alors, moi, c'est Ous. J'ai 23 ans, je viens du sud de la France. Mmh. C'est quoi, Saint-Raphaël, toi? Saint-Raphaël, ouais, Saint-Raphaël, Fréjus dans le 83. Ouais. J'ai fait un buzz sur le net et j'arrive avec mon premier projet en indépendant. Voilà, donc c'est sorti. Ouais. Tout se passe bien. T'étais venu aussi déjà dans Planète Rap, hein, t'avais déjà... Ouais, j'étais déjà invité par La Fouine. Ouais. La Fouine, on t'avait déjà entendu dans différents Planète Rap, dans différents freestyles aussi. Ouais. Donc on va pouvoir découvrir un petit peu ton univers. T'es venu aussi avec ta playlist. C'est toi qui vas prendre le contrôle de la nocturne. C'est ça. Et on va mettre aussi beaucoup d'extraits. Donc ce projet qui s'appelle French Riviera. On va débuter avec Aniki, mon frère, et aussi un des mecs qui monte, qui s'appelle SCH. Hein. Ouais, ouais, big up à SCH, voilà. Une grosse dédicace à SCH va sortir son projet, je crois, en novembre, il me semble. Ouais, le 13 novembre. C'est le 13 novembre. Bah bah, tu vois, tu... Ouais, c'est mon gars, big up à SCH. Et bon, on lui passe une dédicace ce soir dans la nocturne. On y va, coup d'envoi de cette nocturne. Aïe. Aniki, mon frère. C'est le S. C'est le S. Sur mes scélérats. Quand poudre. Rouge. Que le doigt. Encore une fois. Marafak. Marafak. J'ai toujours mes deux pieds devant des bébés. Rien n'a changé, je suis à la gratte. Ma mère serait fière de moi, j'ai préféré faire le rappeur qu'aller à la fac. J'fais passer le temps, j'fais que fumer, dépenser mes billets. J'taffe comme un chinois, j'fume comme un antillais. Toute ma journée, j'crache ma haine dans le cendrier. 25, j'ai dans le caleçon 6, 35 dans la poche de mon blue jean. J'ai le cerveau enfumé, j'ai les yeux rouges sans hémoglobine. Wesh mes rayons, wesh mes scélérats. Ce qu'on veut c'est passer du Clio au Porsche Panamera. Faire lever des foules comme en série A. Pour la suite je sais c'est comment ça se finira. La tête dans les nuages, wesh cogite. J'tire sur mon pétard jusqu'au filtre. J'vais me faire sucer, j'repars direct dans un coffee. All in, dealer la douille, wesh j'leur mets all in. J'meurs pour toi comme Aniki. Aniki, Aniki, Aniki, Aniki. J'attendrai pas qu'il en pue mon frère pour voir ce qu'il y a. Des fois m'ont raté, des fois mes potos. Tu veux killer mon frère? J'suis Aniki, Aniki. Tu veux killer mon frère? Poto j'suis Aniki. Tu veux killer mon frère? Poto j'suis Aniki. Tu veux killer mon frère? Poto j'suis Aniki. Tu veux killer mon frère? Pourtant j'suis Aniki. Tu veux killer mon frère? Aniki, Aniki. Dedans le front, ton sang sur la béquille. Brille comme du Swarovski, puto. Peuf dans le front, ton âme sur la bouquille. Ouais, ouais. Tu veux killer mon frère? Aniki, Aniki. Brille comme du Swarovski, puto. Enfile-t'en, t'es flanté sur tes hostiles. Croyez le monde comme la Corée du Nord. J'ai la tête à John Wick, le Glock à Salvatore. J'ai foutu mon plus beau manteau sien et mes plus beaux souliers pour crosser le taulier. Mais règle peut-être qu'on crèvera demain. Maman s'est noyée sous le dédain, elle ne paie plus ses loyers. pété faute, j'ai les poignets joints, c'est 7 ans qu'en frangeant ailleurs. Je veux aller ailleurs, elle m'excite pas Zaya. Je pars en guerre, je vous vois tout petit depuis l'Himalaya. Des bouches quand tu te chies, je m'enfonce dans la presse. Je l'appelle la fraîche. Aneke, aneke, de ton front, ton sang sur la béquée. Je brille comme du Swarovski, puto. En ville, dans tes flancs, t'es sur terre, Dieu. A 7, le 13 novembre, French Rivera est déjà dans les bacs. J'attendrai pas qu'il en puisse me faire pour voir ce qu'il veut. Des femmes ont raté, des femmes mes potos. Tu veux killer mon frère? Je suis Aniki, Aniki. Tu veux killer mon frère? Pourtant je suis Aniki. Tu veux killer mon frère? Pourtant je suis Aniki. Tu veux killer mon frère? Pourtant je suis Aniki. Tu veux killer mon frère? Pourtant je suis Aniki. J'changerai pas les douilles pour mes rivaux. J'attendrai pas qu'il a pu m'en faire pour voir ce qu'il veut. Des femmes ont raté, des femmes mes potos. Tu veux killer mon frère? Je suis Aniki, Aniki. Tu veux killer mon frère? Pourtant je suis Aniki. Tu veux killer mon frère? Pourtant je suis Aniki. Tu veux killer mon frère? Pourtant je suis Aniki. Tu veux killer mon frère? Pourtant je suis Aniki. Pourtant je suis Aniki. Planète Rap. La Nocturne. Et ça c'est mon nouveau son. On va bientôt sortir un clip, il s'appelle Habibi. Habibi, Habibi. Hey. Oh. Oh. Comme cadeau de réveil, j'ai sa main dans mon froc. Je suis venu marquer l'époque, ouvrir des portes, faire croquer mes potes. Sur mon chemin, j'ai perdu des soi-disant frères. J'ai des contacts un peu partout, Marseille, Évry, Nanterre. Et puis merde, Renoir, Chemin, Fer, ainsi que la langue de Molière. La veille, je me suis pété à la codée. Je suis qu'à 10%, j'ai pas encore connu l'apogée. Dans tes clips, tu m'envoies des pics. La prochaine fois que tu m'envoies des pierres, je te jette un rocher. On est là depuis l'époque de la AVC. On a fait du buzz, ils nous ouvrent pas les portes. Ton vécu nous fait pas peur, on a des cicatrices plein le corps. Demande à ta son. Mets ce son à fond dans ta caisse. Et puis t'as 22 ans. Oublie les problèmes à la caisse. Ouais, Habibi, Habibi. Je me sens mal aimé, mal aimé. Je protège mes frères comme Annie qui balance un frère. Ne m'est jamais venu à l'idée Je me sens mal aimé, mal aimé. Ouais, Habibi, Habibi. Je me sens mal aimé, mal aimé. Réou. Je me sens mal aimé, mal aimé. J'ai un alibi, alibi. Mais je suis condamné, condamné. Mes Réou resteront muets devant le proc. J'ai un gun dans mon froc. Les poches pleines de drogue. Du champagne dans mon seau. Parle dans mon dos. Si t'as rien à dire, vas-y ferme ta chatte. J'ai les yeux pliés comme Azap. Coffee shop et salon de massage. Sniffer de la coque, on fait pas ça. J't'apprends rien sur terre, on est que de passage. De passage comme 400 kills dans le Passat. Sans hésitation, j'mets 2 grammes dans la massa. J'suis bon qu'à ça. Demande à Katrina, il s'achète du Gucci. On cherche à élargir le patrimoine. J'me réveille, y'a des groupies en bas du bâtiment. Beaucoup de choses ont changé depuis, bienvenue chez moi. Ce son à fond dans ta caisse. Et puis t'as 22 ans. Oublie les problèmes à la caisse. Ouais, Habibi, Habibi. Je me sens mal aimé, mal aimé. Je protège mes frères comme Annie qui balance un frère. Ne m'est jamais venu à l'idée Je me sens mal aimé, mal aimé. Ouais, Habibi, Habibi. Je me sens mal aimé, mal aimé. Je me sens mal aimé, mal aimé. J'ai un alibi, alibi. Mais je suis condamné, condamné. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Jamox LAN K2 sur Saint-Esprit. Un peu zou. Comme d'hab. Caillou. J'ai l'enfer. Autotrick BUD. Bang bang. Bang bang. Allo rap game, de CP des jeux ken lequel. Je dois mon frère comme LAL. Il doit des sous, nique lui sa mère, poto y'a R. Pourra se faire que ça. Pour mes killers, mes braqueurs, mes arracheurs et que ça. Ce soir je suis en fenêtre. Ma putain de porte est fermée. La mode, on par ta fenêtre. Ah, j'ai l'aime au bord de la crise. Tout sous l'effet du shit. Ouais ouais, et de son emprise. Je suis venu laisser mon empreinte. Oui, le ciel est avec moi, mais on mènera le chemin que j'emprunte. Je touche à mon but, là je suis presque. Tu m'as tourné le dos pour que tu aies yo. Je suis déçu, frère. Gun, gargoule, braquage. ADN, poucave, placard. Fais pas l'ancien, on sait tous comment c'est. En manque de stress, on veut tout balancer. Tout balancer, tout balancer. Je suis sous Valentine's. Valentine's, sous Valentine's. Je pèse mon amour, je pèse ta Saint-Valentin. Et ma élue. Mon deblé, ma patrie, reste ma vie pour les miens. Car la mort n'a pas pris. La piste, le zoo, c'est la zone, c'est la ville. J'ai boycotté les cours, frôlé la cour d'assises. Je pardonne mes ennemis. Je pardonne mes ennemis. Si je m'écoute, je les élimine. Si je m'écoute, je les élimine. Je me suis fait seul dans le ghetto. Je me suis fait seul dans le ghetto. Mon putain de rap sans le ghetto. Mon putain de rap sans le ghetto. Je pardonne mes ennemis. Je pardonne mes ennemis. Si je m'écoute, je les élimine. Si je m'écoute, je les élimine. Je me suis fait seul dans le ghetto. Je me suis fait seul dans le ghetto. Mon putain de rap sans le ghetto. Mon putain de rap sans le ghetto. J'arrache le mic. Jaloux, j'arrache une like. KDR. Panam, panam, fais mal. J'arrive au jogging et me perds d'une like. Big up à 9-4. 8-3-9-4 dans les bails. Big up à Hoche. Putain, putain, faut la maille. Où c'est putain, putain, faut les mailles. Le dirigeant, putain, putain, c'est de la balle. Et j'ai sur scène, ASP. Demande à la ville, on a le respect. Si ça part en sucette, faut pas rester. Trop le bois, se perd, c'est trop risqué. Pour vous, bande de pute. Dehors, j'ai tant, t'abus. T'abus grave du shit et de la beuh. Sur l'autoroute, c'est ta queue. Je vais mettre de l'huile sur le feu. Livré dans le rap, mais la peu. J'suis ma pilon, j'suis déconnecté. L'argent, l'argent, faut la collecter. Non, monsieur l'agent, lui c'est moi, c'est la jungle. Pas faire le fou pour des ITT. Moi j'ai dit moula dit vie. Si je tire, ils vont me prendre pour un givré. Tellement, tellement, j'suis vrai. Tous ces fils de balance voudront m'livrer. KDR pour ce type building. Building. Viens voir chez moi, ça building. Building. Pas de sentiment comme Poutine. J't'allume, j't'allume, tout le monde sur les bougies. Bougie, bougie. Si jamais tu me cherches, crois-moi, tu vas me trouver. 9 casseraies, nos 5 calais, Irène, Jolie au curé. Je pardonne mes je les élimine. Je me suis fait seul dans le ghetto. Je me suis fait seul dans le ghetto. Mon putain de rap sur le ghetto. Le ghetto, le ghetto. Je pardonne mes ennemis. Je pardonne mes ennemis. Si je m'écoute, je les élimine. Si je m'écoute, je les élimine. Je me suis fait seul dans le ghetto. Je me suis fait seul dans le ghetto. Mon putain de rap sur le ghetto. Mon putain de rap sur le ghetto. Non limite. Sa mère, point 4-4, option missionnaire. J'ai mon partage, en fait moi, je freine un mot, putain pas non terre. Aspect clic, clic, gant, bouchichon, whisky, gant. Quand les choses se gâtent, balance pas comme lui. Avec 3 piles, un coin et demi, clac. Yeah, calé dans le bloc. La dit qu'on se fait sous le dog. J'parmi les meilleurs, le car vip, toi t'es mort dans le top. J'essaye encore, j'prends Jamas comme il calache en or. Restez croire qu'on va foncer dans le mur. J'cave en vise de feu ou Usain Bolt. Aspect zou, 13, 2 fois, 6 les coups. R.I.M. J'suis bon, je joue pas quand tu capitaine. Que la ligue de s'éteigne, c'est pseudo-iste, j'trouve ça dingue. T'es marre, c'est la passe à Boateng. Une grosse frappe, oui. L'hôtel. KVR la lubie. Je pardonne mes ennemis. Je pardonne mes ennemis. Si je m'écoute, je les ennemis. Si je m'écoute, je les ennemis. Je me suis fait seul dans le ghetto. Mon putain me rappe dans le ghetto. C'est Ous qui a pris le contrôle de la nocturne 100% rap français. Ous, ouais. Présente-nous un petit peu le morceau qu'on vient de passer là à l'instant. Alors, c'est un morceau de Jamax. Mmh. Jamax qui est un ami d'enfance. Quand j'ai commencé à faire du buzz, il était en prison. Et là il est avec moi et on va avancer ensemble. Il a posé avec KDR, un poteau à nous du 9-4. Big up à lui. Et avec la Libye c'est aussi un poteau à moi du quartier. Il a grandi avec moi et du coup là en ce moment il est posé dans le 9-4. Et bah une petite dédicace aussi. Voilà, une dédicace à eux. Et à eux, qu'est-ce que j'entends là? C'est parce que tu es venu nous voir sur Paris, ce petit rhume qui est en train de couver ou quoi? Non. Non, parce que j'étais à Lyon il y a une semaine. Ah, c'est l'air lyonnais en fait. Ouais, c'est les Lyons. C'est les Lyonnais. C'est les Lyonnais, mon chéri. Bon, t'as des dates d'ailleurs? Tu fais quelques petits showcases, quelques petits concerts? On peut te retrouver, Ous? Ouais, pour l'instant là, j'en ai plus d'officiel, mais je l'ai déclaré sur ma page. Donc pour te rejoindre d'ailleurs, pour te suivre, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur toi, ouais. Faut aller sur quels réseaux sociaux notamment? Sur Facebook, Instagram et Twitter. Et on tape Ous. On tape Ous, ASPGNG. ASPGNG. Voilà. Pour retrouver Ous et puis pour retrouver aussi Ous avec son, c'est French Riviera, ça y est, ça vient de sortir. Voilà. C'est ce qu'on découvre aussi ce soir dans la nocturne 100% rap français. On repart quoi sur un morceau de French Riviera? Allez, on part sur. Ramenez-les. Sur Ramenez-les. Ramenez-les. Nocturne. Ous au contrôle de la nocturne. J'écris ce texte, côté passager, 2.30 la tête dans le flou. Sois sage carotte que les junkies, les têtes d'ampoule. Adolescence dans le rouge, on aime les mouvements de foule. On a le seum, toi tu le payes ou tu restes en loup. 5 portes séparent le RSA du RS4. Je vois les choses en grand, le détail ne m'intéresse pas. Un caractère instable, beaucoup ne me connaissent pas. J'rappais ça me correspond, je suis le meilleur n'est-ce pas. Je reviens de loin comme les Vespa. C'est pas tard, voulez me voir chuter comme des SK. Je rêve de SLK, mais mon fils l'aura. Il fera pas comme son père, mais bien comme Iniesta. Ici les crimes cessent pas, ouais le crime s'installe. C'est dégueulasse, c'est affreux, comme s'injecter dans le bras. Y'a de la pétasse dans le tram, et que du sème dans le con. Mahamdoullah ça va, mais rayon que du jack dans le corps. Aspect clic, les rayons demandent encore. Devant le D1, t'es pas chez toi comme les Marocains en Corse. J'fracasse l'instru, passage en force. À la recherche du courageux qui passera des olives dans le torse. Je claque mon bénéfice dans des choses inutiles. Ce soir j'ai trois buts, c'est avec la vodka Red Bull. On est armé comme les Russes pour que l'ennemi capitule. Affronter nos problèmes, on a l'habitude. Ramenez-les cette année, je me sens d'attaque à faire tomber le premier. Au quartier, la civile tourne, n'importe qui peut se faire interpeller. On est sur les nerfs, sur les nerfs, sur les nerfs. On est sur les nerfs. N'insulte pas les mères, c'est ce que t'as à faire. Mireille me donne la force pour tout niquer. Poser devant le dé en petit comité. Tester ma clique, mauvaise idée. Je te déteste en toute amitié. J'suis dans la caisse, affaibli par la Audi couche. Ils m'ont souhaité le malheur du monde, aujourd'hui je les maudis tous. Que Dieu me pardonne pour toutes mes fautes. J'fais du rap mais j'ai toujours les condés sur mes côtes. J'suis pété terre à le seum. French Riviera. French Riviera est dans les boîtes. Sexy, t'as le charme de un grand merci à tous ceux qui sont allés le chercher. Lève ton verre à la mienne, on fait ça à la bien. Bientôt mon prochain projet. Aimé à la haine. Que Dieu te laisse en chaîne, que Dieu protège les miens. La justice elle nous freine, même si je rappe plus que bien. Je te laisse à la traîne, j'suis posé devant le D1. Tester c'est pas la peine. Un œil sur le chargeur de 30, sa vie sert à la tête. Alhamdoulilah on vit bien, mais non c'est pas la fête. Libérer les frères, ils passent l'hiver à la farlette. Trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, tr

les steaks, ma bite va leur. Et dédicace à tous mes cousins dans le 9-1. Éric Corbeil et L'Oréal. Joue le tech, joue la folle. Tu veux tester. Et ça c'est Gibson, frérot de Marseille, il est invité sur French Rivera. Tous les jours m'en sortir j'essaye, mais le mal s'installe en moi. Je le sens de la haine chaque fois que je me réveille, le moral dans le noir. Tous les jours de mon cœur je sais, mais les secours ne viennent pas. J'ai appris qu'avec le temps, les frères partis ne reviennent pas. Tu m'avais promis de rester là, au final je me retrouve tout seul. En ce moment, je suis en pleine chute libre. J'ai qu'une envie, c'est de toucher le sol. Allez, vite garder toutes ces folles. La rue m'a fait des entailles. Je le garde dans mes entrailles. J'ai versé des larmes, j'ai versé du sky. Malgré les voix, je suis toujours sincère. Je reflète ce que vous vivez. L'image, vous l'avez kiffé. Maintenant, mon taf, c'est de me livrer. Puis délivrer, c'est moi qui me hante. M'empêche de remonter la pente. Ce soir, c'est bouteille de grand. Les yeux rouges, j'ai frites sur le 30. Tous les jours, moi, je repense à elle. Les souvenirs remplacent les pleurs. Elle est partie sans dire un mot, sans se retourner. Elle m'a cassé le cœur. Tu t'es mis à mort. Ton départ, c'est une mise à mort. Je me sens comme un tolard. Je vois ton visage sur un mirador. Au chica, tous les petits m'adorent. Pourtant, j'ai rien d'un exemple. Je me trouve souvent dans les bains de sang. Je fais avec ça car c'est vexant. C'est vrai qu'au fond, j'ai mes torts. Je suis pas toujours sans reproche. En combattant ce qui nous sépare, on trouve peut-être qu'il nous rapproche. Y'en a combien qui tiennent la sacoche. Combien qui crient à rat. Et pour le reste du check, ça lève des crosses, ça fume, ça rappe. Je te jure, j'ai tant tourné. À tes faux frères, j'ai pardonné. Oui, je me sens comme abandonné. Quand les soucis me pendonnaient, un joint de frappe, puis je me libère. Mise dans tes yeux, je m'y perds. Laisse-moi le volant de ton cœur, je te piloterai sans savoir m'y faire. Tous les jours, je me bats contre moi-même. J'ai plus où mon corps m'emmène. Demande à tout mon secteur, en vrai, l'état, ce qui nous ramène. Gardez vos tasses, là, c'est plus la même. J'ai plus envie de m'amuser. Je t'ai donné sans compter, mais fallait pas en abuser. Mais où je vais, j'ai pas, tu sais. Tout le monde peut m'accuser. Oh, veuillez m'excuser. Mais je recherche même pas le succès. Tous les jours, m'en sortir, j'essaye. Mais le mal s'installe en moi. Maman, pardonne-moi. Je suis ton enfant, regarde-moi. On se ressemble, on souffre ensemble. Un avenir indécent. 6h du mat, je suis sous votre cage. Je fais que verser des larmes de sang. L'absence de mon petit frère. Des années que je le vois pas. J'arrive pas à me dire, j'ai une chance qu'il n'aura pas. Mais où je serais sans toi, papa? Sûrement déjà enterré. Tu m'as dit, fonce, y'a intérêt. Relève la tête, va en tes rêves. Mais tous les jours, tu prends de l'âge. J'ai peur que tu prennes le large. Voir de la fierté dans tes yeux serait mon plus bel héritage. Peur d'assumer seul. J'ai peur face à ce monde. Posé dans mon quartier, je regarde les flics qui font leur ronde. J'ai l'amour depuis que je suis gosse. Y'a tant d'amitiés fausses. Je sais qu'avec le temps, les sentiments passeront les roses. Regarde, le jour se lève et je place encore ma haine. On s'entretue depuis Cayenne pour interdire ou un Cayenne. Les frères, j'ai mal au cœur. Tant des notes sont parties. Que Dieu pardonne nos fautes et nous conduise au paradis. Les frères, j'ai mal au cœur. Tant des notes sont parties. Que Dieu pardonne nos fautes et nous conduise au paradis. Paradis. Dédicace à Gibson, C'est la Nocturne 100% rap français et c'est Ous au contrôle de la Nocturne. Toujours. Avec quelqu'un qu'on retrouve sur ton projet hein, d'ailleurs, Ous. C'est ça, c'est Gibson. Gibson. De Marseille qu'on écoutait à l'instant avec ce morceau qui s'appelle Tous les jours. Juste avant aussi il y avait PNL. Ouais. Donc PNL c'est des gars du 9-1. Ouais, on écoute PNL, on aime bien. C'est vrai, t'aimes bien. Ouais. Eux, c'est attendu aussi, hein. 30 octobre ça sortira leur projet PNL. Ouais, ça va être chaud. On aura l'occasion d'en parler. Là c'est Ous qui lui a sorti son projet qui s'appelle French Riviera qu'on découvre. Tu disais tout à l'heure, toi qui as la vingtaine, c'est quoi les sons toi qui t'ont bercé, Ous, plus jeune, les morceaux qui t'ont donné envie de rapper? Est-ce que t'écoutais beaucoup? Rof, Booba. Ouais. Ouais. À Marseille aussi, ça écoutait un peu. À Marseille, j'écoutais trop Psychiatre. Psychiatre, ouais. Ouais, c'est Psychiatre, les patrons. Les patrons, ouais. Les Psychiatres de la rime. Et donc là, c'est Ous qui a sorti son projet. Un projet où on retrouve justement, on parlait des featuring, il y a Dipson dessus. Ouais. Mais on retrouve Kamikaze. Hein. On retrouve Kamikaze aussi, ouais. On retrouve Kamikaze, on SCH. Retrouve SCH. On retrouve A2L, mon petit frère. On retrouve Jamax et Dipson. Et ça, c'est dans les bacs depuis quelques jours, French Riviera. Depuis le 25 septembre. Depuis le 25 septembre. On repart sur quoi, Ous? Alors c'est à toi de me dire, Fred. Héritier. Moi j'avais Héritier. Héritier, c'est l'outro de mon projet. Ça c'est ouais, c'est ce qui conclut l'album, le projet de Ous. Okay. Et le morceau c'est Héritier. Fallait le dire. Salam, je prends le mic, je multiplie mes péchés. Petite sœur, ne me regarde pas cracher mon Jack Miel dans les WC. J'ai passé plusieurs étapes, je l'ai fait seul. Qui pourra dire le contraire? J'ai payé mes clips avec l'argent de la drogue. Aujourd'hui le dé gère mes affaires. La couronne, on va la décrocher. On t'écoute pas chez nous, on boycotte ton projet. Je prends ta tête, je lui fais faire des ricochets. Je prends ta sœur, je la fais pas dormir de la noche. Princesse, j'ai le visage amoché. Je raconte ma vie, je raconte pas celle d'un autre. Je pense déjà à la souricière quand ce fils de pute me passe les menottes. Wow. J'ai du mal à sortir ma tête de l'eau. Je prends le stylo, je fais une œuvre d'art. J'ai dit tout ce que je pensais, je l'ai pas dit à demi-mot. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. J'écris ça, je suis rapta. Au fond du bloc, frérot, t'es pas de taille. On est galbé comme des 10 de bon. On a des 6-35, on fait pas de muay thai. Oh, no. Ramène ton gang. J'ai A2L, ma Alba, la Libye pour me défendre. J'rappe depuis le temps, j'ai le meilleur flow de mon secteur. Depuis toutes ces années, on a fait marronner l'inspecteur. J'ai des grammes de C pour tous les camés. Ici, tout le monde me connaît. J'ai fait des go fast avant de faire du rap. Au check, ça sent le mort, ça sent l'Irak. Vendu la mort à la jeunesse dorée. D'un couteau dans le dos, ton rayou partira. Rapper, on sait le faire. Manier le fer, on sait le faire. Distribuer des kilos, on sait le faire. Merde, demande à la douille que du niquage de mer. On a retrouvé son corps dans un conteneur. Cruels sont les HLM en bord de mer. Avec les années, j'ai perdu des partenaires. Fini l'époque où on se tapait des barres de rire. On pense qu'à faire de l'argent dans un pays où tu tombes pour un défaut de carte grise. Wow. Wow, wow, wow, wow. Depuis que j'ai du buzz, je vis dans un film porno. Voilà, fallait le dire et puis je m'en bats les couilles. Je suis comme la Libye, ça est roi dans l'instinct, je crains pas les douilles. 100% des Z, descendant du FLN. Pour sortir un SLR, pas de crédit à vie chez cette LM. Par plusieurs rappeurs, je suis validé. Oui, oui, je vous rendrai l'appareil quand ce sera le moment. Les dégâts que je vais faire dans le rap, vous en avez pas idée. Rimkoff m'a dit, c'est chacun son tour, profite de ton moment. Je fais ce que je peux pour m'en sortir, tire de barre sur le millefeuille, je pense à l'avenir. Petit frère, les histoires, faut les régler direct, sinon tous les problèmes s'enveniment. Enfant de la French Riviera, on sait ce que c'est de vivre sous le seuil de pauvreté. Fumer des gros pétards, sous le soleil de Saint-Tropez. Claquer le bénef trouvé dans la sacoche d'un touriste. J'ai connu l'amour d'une femme, j'ai préféré l'amour du risque. Wesh, les puristes, pardonnez mon manque d'immaturité. J'ai nommé ce projet French Riviera pour oublier la misère dont je suis héritier. Dont je suis héritier. Fallait le dire.

Mozart pour les têtes rasées. Tu dois du bif pour tous les murs, tu vas raser. Même si on pardonne, on n'oublie pas le passé. Non, c'est pour tous ceux qui marchent pieds nus sur le brasier. On va t'écraser, par terre comme un coup de joint. Chez nous, poteaux, non plus rien ne sera que la coupe poing. J'arrive à balle, je rappe plus vite que les ballons. Quand je rappe les radars me fâche à force. J'ai perdu mes 12 points, minimum faut 12 points pour te monter en l'air. Rien ne sert de tirer pour tirer en l'air. Mettez tous les mains en l'air, j'arrose comme un canadaire. Si tu t'allumes ta mère, je te vide tout le camembert. On est toujours sur les nerfs, donc il faut qu'on consomme. Ça va du bif avant que le gong sonne. Le monde est fasciné par les grosses sommes. J'occupe mon bas les couilles pendant que le phone sonne. Des fois ça fonctionne, des fois ça marche pas. Devant les armes ça court, ça marche pas. Il faut choisir entre le bien ou le mauvais moment donné, faut faire un choix, les deux ça marche pas. T'inquiète, on lâche pas, on perce dans la serrure. Faut rester solidaire, c'est tout pour la thune. Faut pas parler, faut le faire. Investir dans le fer pour investir dans la pierre et quitter le bitume. On charbonne sur iTunes, on n'a pas fait d'études. Pour faire le buzz, il faut faire le gros tube. Ça parle de grosses caisses, roi rare en gros cube. Pas besoin d'un tuyau quand on a le gros tube. Quand on a le gros tube. On veut tous être blindés, faire carrière dans le déchet. De quoi percer des blindés, de quoi claquer sans souci. On veut tous de la monnaie, non mais pas dans le tonnet. Méfie-toi des mauvais, je t'avais prévu, ne sois pas étonné. On veut tous être blindés, faire carrière dans le déchet. De quoi percer des blindés, de quoi claquer sans souci. On veut tous de la monnaie, non mais pas dans le tonnet. Méfie-toi des mauvais, je t'avais prévu, ne sois pas étonné. On veut tous être blindés, faire carrière dans le déchet. De quoi percer des blindés, de quoi claquer sans souci. On veut tous de la monnaie, non mais pas dans ton nez. Méfie-toi des mauvais, je t'avais prévenu, ne sois pas étonné. On veut tous être blindés. De quoi percer des blindés. On veut tous de la monnaie, non mais pas dans ton nez. Méfie-toi des mauvais, je t'avais prévenu, ne sois pas étonné. C'est la Nocturne et c'est Ous au contrôle de la Nocturne avec Kamikaze à l'instant, Ous. Hein. Aïe, big up à Kamikaze, lourd. Un morceau qui s'appelle Blindé, on a pu écouter aussi un autre Marseillais. Elams. Ouais. Elams. Ouais, lourd. Elams lourd, qui est passé pendant la semaine ouais, de Planète Rap avec Alonso. Ouais, c'est ça. Il m'a invité sur un featuring et qui va bientôt sortir, donc je vais lui passer le big up. Ah, pardon, excuse-moi, j'étais déjà parti. J'étais déjà chaud pour balancer encore du son. Ouais, vas-y, tu disais, il t'a invité, ouais. Ouais, il m'a invité sur un featuring et du coup, je voulais lui passer le big up aussi. Son son là, un amateur. C'est bien, t'as passé pas mal de force un peu à plein de gens différents. En fait, c'est des gens qu'on écoute, hein, c'est des gens qu'on aime beaucoup. En découvrant ta playlist, et avant de se quitter, on va finir avec un freestyle, c'est ça un freestyle qu'on peut trouver sur Bouscapé, ouais, notamment. On aime bien le son, le freestyle qu'on a fait pour Bouscapé. Si on va l'écouter, c'est ça. Ouais, on l'écoute maintenant. Voilà. Et puis on finira avec Jules dans un instant. Crayou. Bouscapé. Wesh mes crayous, on est revenu à 10 pour se taper. French Rivera sort le 25 septembre, poussé sur Bouscapé. Ramène-nous les kings, ramène-nous les tasse-pieds du R&B. J'ai claqué l'argent de la drogue, l'argent du rap, j'attends mes 25 piges pour l'argent du RMI. Niquage de mer, tout est permis. Pic grave, mais le temps s'éternise. Fais quelque chose de ta vie, n'attends pas ces vermis. Faire de l'argent au max et quitter la zermi. Goûter la vie, faire croquer sa femme, ses amis. Pollen, Shark, Tizano, Tidjor, Armani. Sous les conseils de mon mort, Agassi. Chérie, tu coûtes combien? Moi je te prends toute la nuit. Je suis rabat comme Gainsbourg, sentimental comme Cheb Mami. J'ai dû faire des sacrifices, affronter toutes mes peurs. Je suis dans Alger, mes cousins contrôlent le terrain de LBR à Sacré-Cœur. Tu nous fais le gros, mon équipe a tous les dossiers. Demande au S, on a marqué le rap avec une instru d'écossais. Fermez vos chats, fermez les volets, je vais tout arroser. Je veux revenir au quartier dans une Testarossa. Wesh pêcheur, PDI. Paul fait chauffer les pneus Pirelli. Je suis avec la Libye, je suis sous codéine. Je traverse la French Riviera, assis sur le 530. Ah oui, je remonte la pente, j'ai pris sur le 30. PD, je te surprends, le petit devient grand. Et à qui tu me compares, fils de temple? C'est l'histoire d'un DZ qui va tout baiser. Parti de rien, fils d'un peintre. Et puis si tout se passe bien, je prépare le volume 2. Même si t'aimes le vrai rap français, tu rappes comme je rappais en 2002. Je rappe sous peu, la mixtape vaut un gramme de seum. 1000 feuilles de scuff, un capricun. Depuis que je fais du buzz, c'est PD, on le seum. Je marche avec Jamax à deux ailes dans le game. J'ai fumé la Space Mountain. Wesh mes ray, il faut que ça paye. Wesh mes ray, il faut que ça paye. French Rivera sort le 25 septembre. French Rivera sort le 25 septembre. Toi tu parles de calage, tu prends des gifles. On claquait l'argent au Dallas, on avait même pas l'âge. Tu nous fais le grossiste, t'es rentré pour vol à l'étalage. Je sais que t'as plein de problèmes mais j'en ai rien à foutre, tu ralasses. Si j'ai pas les couilles, j'ai assez pour investir dans un FAMAS. Mouscapé Rayou. French Rivera sort le 25 septembre. Cette planète la nocturne. J'en ai marre de tout. Quand ça va mal, je me saoule. Cette vie, je la découvre. On est tous en chien, tous en mode. Faut que tu comprennes que l'État nous l'a mise. J'suis pas les autres, moi j'me plie pas aux autres, tu sais. Faut que tu vois ce qu'on vit ici, c'est pas facile. J'en ai marre de tout, alors je casse tout. Je fais comme si j'étais seul dans cette putain de planète. Je zone comme un loup, à l'affût de tout. Mais j'suis en sursis et là juste va tout faire pour j'ai pas rien. J'ai des peurs mais j'suis à sec. Vous faites les marques, il est tout seul, vous êtes à sec. Ça fait longtemps que tout va mal dans ma tête. Dans ma tête, c'est du tir pour tuer, vas-y bise dans la tête. Dans la tête, j't'aimais bien mais pourtant tu m'as mis. Je dirais pas trop présent, mais t'inquiète, j'analyse. Contaminé par la main, y'a pas de miracle, il faut un taf. Tu veux charbonner, ben mon pote, tu marches au taz. J'mets des sons dans ma caisse et tu jalouses. Avant j'étais con, au lieu de penser qu'à moi, j'pensais qu'à nous. 21 ans, j'suis pas carré, j'suis pas calé. J'arrive sur la piste, les bras en l'air, j'danse pas coupé, décalé. Les femmes, c'est comme une sèche, tu la fumes et tu la jettes. C'est toi qui la consume jusqu'au jour où elle t'achève. Mon stagné, j'me suis lâché, j'suis resté en bas de mes tours. J'me suis taillé, j'me suis caché. Les cibles font des détours. À cause de quand j'conduis, j'fais des détours. Quand ils me contrôlent, j'ferme ma gueule. Les regarde, j'fais le sourd. Et mes potes, ils ont tous connu les jaunes. Putain, j'suis fané, la moitié, ils sont folles. C'est ce que l'État veut, ils fouillent même nos caves. Mon frère fait attention parce que nos jours là me rentable. Je suis à la fuite d'une chatte, que je baisse qui me gâte. Mes ex c'est fini parce qu'elles trahissent ou qu'elles sont sales. J'ai 21 palais, je me suis mis à passer le palais. Pour un campus, je finis avec ma daronne au palais. Là j'en ai marre des parois, voir mon frère enfermé. Wesh les matons, niquez mon mère, on vous a permis. Dès que je sors, je vois les schmitts, ils font les macs. Ils sont là 7 sur 7, ils veulent te voir la main dans le sac. Et c'est dur, des gens ont porté la guine. La juge a dit à lui, vas-y reste à lui. Et je suis mal sans lui, car j'ai grandi avec. Ouais, lui c'est mon ami, sa mère m'a dit faut faire avec. Et au fait, j'en place une pour Amada. C'est le petit en gros cube avec la casquette Yamaha. Et j'en place une pour Ousine. Si on prépare le pont, il faut qu'il oublie ses soucis. Et pour des suicides, rien que ça t'incite. Les smiths ont les insultes, y'a rien pour eux mais ils insistent. Et moi j'insiste à toutes les scènes qui font de la peine. Et je me rappelle quand y'a des tout le monde dans l'appel. Des parcours tous les jours, des couteaux sous les joues. Ça disait mais on fait ça si aujourd'hui on échoue. Ça sent la défaite, mais faut se remettre en cause. On dirait que je suis parano, putain je m'imagine des choses. 5h du mat, je dors pas j'ai les yeux ouverts. Je me rappelle les gendarmes chez moi, putain j'en ai souffert. J'arrive pas à réaliser, ils ont tout analysé. Et ma mère fait que pleurer à cause de ses banales. Avec ces histoires on va finir traumatisé. Voici les portes du milieu, aujourd'hui je vais m'alcooliser. Ils nous accusent, ils abusent. Je croyais qu'on s'amuse, et ça nous use. Les paroles fusent, moi faut que je me taille de là. Tu parles de moi, t'as pas compris, je m'en bats les couilles. Du coup on va te le dire, grâce à moi ils craignent pas les coups. Et pour moi il est fou dans ta tête. Il sortait en promenade avec le t-shirt sur la tête. Et voilà que dalle, on reste posé, on blague pas. Va là juste, ça passe pas, quand tu dis moi je taffe pas. Et dedans, faut te dire que tu vas sortir. Faut que tu bailles la peine des autres, pour te dire que t'es encore pire. Le quartier empire là, pourtant je vais pas fuir moi. Si tu dois prendre 8 mois, crois pas que j'affirme moi. J'en ai marre de tout, quand ça va mal je me saoule. Cette vie je la découvre, on est tous en chien, tous en manque de maille. J'en ai marre de tout, quand ça va mal je me saoule. Cette vie je la découvre, on est tous en chien, tous en manque de maille. Faut que tu comprennes que l'État nous l'a mise. J'suis pas les autres, moi j'me plie pas aux autres, tu sais. Faut que tu vois ce qu'on vit ici, c'est pas facile. marre de tout à l'instant. Joule pour conclure cette nocturne. Ouais, lourd. Et bah merci à toi, Ous. Et bah merci à toi, Fred. Tout s'est bien passé, ça a été? Ouais, c'était cool, bonne soirée. Et bah tu vas revenir. Là, normalement, le vendredi, ça ressemble à quoi tes soirées le vendredi? Quand t'es pas en concert, quand t'es pas en studio, c'est plutôt posé, plutôt sorti, plutôt fêtard, plutôt. Non, franchement, je suis plutôt calme dans ma vie. Un mec très calme, Ous. Je suis un mec très calme, je fais pas trop grand chose. Pourtant, on se dit, le mec, il y a la French Riviera, le côté Côte d'Azur, machin. Et on sort que sur invitation. Et bah je t'en souhaite beaucoup, en tout cas. Et merci, Ous, d'être passé. Merci on rappelle toi. Que c'est sorti depuis le 25 septembre. Ça s'appelle French Riviera. Allez le chercher. On peut le trouver un petit peu partout. C'est Ous, retenez bien, H-O-O-S-S, pour retrouver Ous un petit peu partout et près de chez vous. Et puis voilà, on te souhaite plein de concerts, plein de showcases aussi. Et bah, je te remercie, Fred. Deux, trois petites dédicaces. Continuation. Tu vas ajouter deux, trois petites choses, on t'écoute. Hein. Ouais, dédicaces. J'ai déjà fait mes remerciements. Dédicaces à tout mon quartier, à l'Aspect Center Parks, à Jamax, à tous mes frérots, à Gibson, Kamikaze, à toute mon équipe, la Libye, Gus. Et voilà, on est là, tu connais. Merci Ous, la nocturne continue, ciao. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Avec celui qui débarque dès lundi entre 20h et 21h dans Planète Rap, Caris. Après on file un coup de fil justement à Philo du label Beaumaillé Music, le label de Youssoupha. Bougez pas, il a une bonne nouvelle pour vous, surtout si vous rappez. Restez à l'écoute de la nocturne, c'est 100% rap français. Je fais des lem. T'as le sem. Je fais des lem. J'nargue des rum. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nargue des rum. Clic, semi-auto. J'ai du liquide amniotique. Devenu automatique dans le catmatique. Sorti de l'école de la République. Des lards. Poussi. Parle pas ou bien parlons de nous chier. Plus d'armée de soucis. Mon seul problème désormais est de choisir entre le caviar et les sushis. Je m'allume un gros bar. Elle a vu ma grosse barre. Elle fait le grand écart. J'ai de la mouille dans la beubar. Contrôle de police, ma guide. Il me reconnaît, me demande une photo pour son fils. Il me laisse repartir dans une gova pétale dans la boîte à gants. Mon pétard sous le siège, un gomme. Demi-tour en marchant, mon chewing gum. On va plus leur faire de crédit. On fait plus la guerre entre eux. Je crois bien que tout est dit. J'sors mon arme, Jamani, j'porte un jean Armani avec une paire de Bousemi. Leur faire du le ça, on pourrait. J'suis dans mon rose beau bois, j'allume la LED juste pour voir ta raie emplourée. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. Sors pas ta caisse, c'est le drive, dis-nous vite, tu prends quoi? Les bisseurs bloquent l'ascenseur devant toi. J'bouge pas, j'me pose dans le hall en été ou dans le froid. J'attends les polos, t'attends ton conseiller au pôle emploi. Lunettes, casquettes, fuck toi et ton képi. Quatre grosses balles tringues dans une Ford Megra, ils font képi. Fais bien la fête, n'oublie surtout pas que t'es mon petit. M'invite pas à ce qu'ils sortent, mon canon c'est pas des confettis. Ils ont vu mon casse-rayer, ils ont cru à l'accident, c'est juste qu'elle suce avec les dents. Posé comme un bâtiment, je ne fais plus de sentiments, je crache dans tous les compartiments. Kandahar, Kandora, double calache et Hondora. Produit dans la planque, cracker sans manque, j'suis dans le tank, c'est pas un prank. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. Double fuck. Caris à découvrir dès lundi 20h-21h dans Planète Rap. On l'attend avec impatience, Caris, à pas louper. C'est Skyrock, c'est la nocturne. C'est la nocturne 100% rap français. Petite pause dans cette nocturne. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de nouveaux talents rap français. Et à propos de nouveaux talents rap français, je suis avec Philo, patron du label Beaumaillé Musique. Comment ça va, Philo? Ouais, ça va et toi, Fred? Bienvenue dans cette nocturne. Un petit coup de fil tardif avec toi parce qu'il y a un beau projet qui se prépare chez Beaumaillé. Hein. Ouais, il y a un gros projet. C'est Black Mathusalem avec le producteur Koulax. Ouais. On a signé il n'y a pas longtemps sur notre label. Et voilà, c'est histoire de faire découvrir des nouveaux talents. Donc l'idée c'est quoi? C'est un album, c'est une compile, c'est... C'est un album multi-artiste. Multi-artiste. Compile, ça fait trop à l'ancienne. C'est un album multi-artiste. Ouais, c'est un peu sur le modèle de. Même à l'époque, des compositeurs comme Dimédi et tout, créer aujourd'hui, en fait, mettre en avant un compositeur. Donc, c'est un compositeur qui est Koulax, dont tu parlais. Ouais, le compositeur qui est Koulax, et qui produit, en fait, tous les sons du même projet de son album, et par contre, il fait la passe belle aux nouveaux artistes maintenant qui arrivent, et puis c'est sur le modèle de la trap musique, en fait. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que par exemple si on écoute La Nocturne, on est artiste, on est dans son coin en train de faire du son, est-ce qu'on peut envoyer justement une démo, une maquette, un morceau? Justement, on cherche que de la nouveauté. Donc il faut envoyer une démo au mail que je vais donner, le mail suivant, bmagency@outlook.fr. De toute façon vous pouvez aller sur le Facebook de Boma et Musique si vous n'avez pas entendu, mais sur bmagency@outlook.fr. Et donc après il y aura une sélection, il y aura combien de grosso modo de nouveaux artistes qui seront signés sur ce projet, enfin sur ce sur cet album multi-artiste. Sur cet album là on espère faire 12 à 15 tracks dessus. Donc voilà, il y a encore de la place hein. Là on doit avoir 6-7 morceaux. Ouais. Bien ficelés. Nous en manque encore 6-7 quoi. D'ailleurs, la moitié. D'ailleurs, là, on va passer le premier extrait, hein, c'est ça, du projet Black Mathusalem. Ouais, premier extrait avec GLK Kalash, NASA et Que Black. Et Que Black. Donc, on va écouter ce morceau. Il s'appelle MSLB. Mathusalem sur la Bleuta. Mathusalem sur la Bleuta. Et puis, si vous aussi, est-ce qu'il y a quand même une petite direction artistique particulière? Faut faire quoi? De l'ego trip? Faut faire des morceaux à thème? Est-ce que. Ou peu importe. En fait, juste le thème, c'est dedans, il faut juste dire. Dire Beaumaillé et dire Mathusalem. Beaumaillé et Mathusalem, c'est les deux mots à placer. Et vous envoyez tout ça. Rappelle-nous l'adresse, Philo, pour envoyer. bmagency@outlook.fr. Merci à toi, en tout cas, d'avoir été dans La Nocturne, Philo. Okay, merci à Fred, surtout à toi, de soutenir des projets comme ça, de soutenir les nouveaux talents comme tu le fais. On en a besoin. Et voilà, que ce soit nous, les producteurs, comme les jeunes, on en a besoin. Et voilà, et moi je suis content de soutenir cette tendance rap. Moi je suis de notre génération, je suis de la génération rap français, mais j'aime beaucoup cette tendance, même si parfois c'est moins écrit que nous à l'époque, mais j'aime bien cette enjoy, cette histoire, comment ils dansent, comment ils se... Nous on était beaucoup plus sérieux à l'époque, eux ils sont vraiment, tu vois qu'ils ont des danses qui créent dessus et que voilà, les gens s'amusent quoi. Il y a tout un univers. Voilà, tout un univers. Bon, bah merci d'avoir été avec nous dans cette nocturne, Philo. Et puis, on attend donc ce projet qui est quoi, prévu pour 2016, je pense, non? Ouais, 2016, janvier 2016, début janvier. Janvier 2016 sur le label Beaumaillé Musique. Et une dédicace aussi donc, à Koulax qui va réaliser tout ça. D'accord. Merci à toi, Philo. Merci à toi. Allez, on l'écoute ce morceau maintenant, c'est parti. Décroche-te du bonne nuit. Du sale du shit dans des brownies. Bah ouais on s'en balait. Bah oui mon déco on s'en balait. Comme Harry Potter je m'envoie sur mon palais. Je suis un putain de Z, j'ai un flow de mon gala. Elle est enceinte, Sparta la remue. Dégonne un putain de fer, bah tu veux l'homme. Il est pas la vraie boiteur à l'homme. Tu te fais péter, boiteur à l'homme. J'pique grave la dope sur ton rock à un puissant. Vodka tanga, oui si rock dans ma boisson. Pendant que les chefs te vaudent que deux fois. Sont t'auras ta console juste le temps de la cuisson. Bah ouais. Gun chargé sous le kawé. Si les règles montent qu'on se vend au kawa, on laisse pas l'enfant dire ton kawage. Mathusalem, j'dégaine à Mathusalem. Mathusalem, j'dégaine à Mathusalem. On est en vita, Mathusalem sur la vita. On est en vita, Mathusalem sur la vita. On est en vita, Mathusalem sur la vita. On est en vita. Allô les frères, y'a la guerre, faut la faire. On dégaine les armes, on te fait vivre à l'enfer. Nous on sort de la preuve, on est victorieux. Donc si on se déplace, non c'est pas pour paix. Ramène ma conso, j'ai besoin de m'envoler. Tous les soirs je rêve d'une carte de billets violets. Quand tu sors nous on rentre. Quand tu sors nous on rentre pour te cambrioler. C'est comme ça qu'on se débrouille dans le secteur. Faut que la boîte, l'équipe et l'inspecteur. La débrouille m'a formé plusieurs fois menotté. La 810 nous connaît par cœur. Et chef de poste. moi avec mes potes. Toi je t'aime pas si je baisse ta sur ça sans capote. Je suis avec toi, ce carillon porte quelques machins. J'tends ma tête, tiens, zéro I sur un engin. À mon frangin, la routine te tue pour ça que t'es jamais à jeun. Moi tu un l'aime sur la table. J'gagne du salaire de Zlatan. Pour ça j'ai mes airs de bédo et de la Zlatan. On est en vita, Mathieu Zalem sur la vita. On est en vita, Mathieu Zalem sur la vita. On est en vita, Mathieu Zalem sur la vita. On est en vita, dépose des couilles sur la vita. Chiel, Kalash, Keblak, hein. On vient faire un dégât. Dans un qui fout le sbeul, ouais ça rend dingue les gars. Dans le game y'a plus de courant. J'suis la brise de teuté. Mathieu Zalem dans la tête. J'm'en fous des gens, tu me connais, j'me la pète. Tu veux que ça marche pour toi? Gros, circule dans mon sens. Si j't'ai fait du mal, c'est que l'alcool circule dans mon sang. Ella, Zeda, tu connais le name. J'frappe comme Ryu, l'instru, je la ken. Ella, Zeda, tu connais le name. J'ai montré que mon gland, elle a kiffé la chaîne. Je sais que tu kiffes quand on rap. Tes freestyles touchent la côte au rap. Minimum 5 chiffres quand on rap. Et moi, la Mathieu Zalem, je la coupe au rhum. Quand tu me dois des sous, tu n'es pas là. Genre le 9 milli quand y'a pas la. Ça bicrave du shit, de la salade. Non, non, non, non, le feat il est malade. On est en bêta, Mathieu Zalem sur la bleuta. On est en bêta, Mathieu Zalem sur la bleuta. On est en bêta, Mathieu Zalem sur la bleuta. On est en bêta, dépose des couilles sur la bleuta. Cosy dans la nocturne. Le morceau s'appelle Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, dans le 9-1 c'est chaud. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, dans le 9-2 grande classe. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, tout le 9-3 débite. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, dans le 9-4 ça frappe. Ah ouais. Paname c'est chaud pour bronzer, négro, pas besoin d'huile. Pas besoin d'huile. J'arrive de loin, droit et fin comme les mecs des Iblis. Club, chicha, enfumé dans le carré vide. Enfumé, enfumé, enfumé. Ça bombarde sur le périph', on est plaqué prince de la ville. Prince de la ville. J'mets du temps à démarrer comme si j'étais un diesel. Dis-moi, tu mal, appelle-moi Cosy, Nyama, Denzel. Nyama, Nyama, Cosy, Denzel. R.A.P. le game contrôlé par des ailes. J'suis pas un ange, mais on peut me couper les ailes. Rodave de loin, un peu comme la Tour Eiffel. Sur le rinté, j'attends la passe de Chris Mavinga. Villa sur la côte, accompagné d'une Elvira. Léo, part du Peura. Appelle-moi Cosy, Nyama. On te plante comme Nabila. 22-22, fuck l'Embila. À la gorge, à la Joe, elle vient accrocher de Benteke. Je viens accélérer. Pour faire mon buzz, je compte sur moi-même. J'ai pas besoin de faire de feat avec leur maître vénéré. Écoutez, ferme ta gueule, comme dirait Milos. Y'a trop de maquelélé. La journée, je charbonne dur, dur. Et le soir, je dors sur des gros mabellés. 9 mm dans la LV cavalée. Courez. Plus de chakra, ta meuf a tout avalé. Bah ouais, c'est chaud. Tu dérasses, t'en prévenez les autres. Je vais toujours plus haut pour niquer tous ces faux. Ah ouais, ah ouais, déterminé 9-5. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, grand comme le 7-7. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, Marseille Karaché. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, 6-9 Pélo. Ah ouais, ah ouais. Paname c'est chaud pour bronzer, négro, pas besoin d'huile. Pas besoin d'huile. J'arrive de loin, droit et fin comme les mecs des Iblis. Club, chicha, enfumé dans le carré vide. Enfumé, enfumé, enfumé. Ça bombarde sur le périph', on est plaqué prince de la ville. Prince de la ville. Tout droit sorti de la cellule du time. AM sur le front, tar Vegeta. Ah macro, ça c'est mon terrain. Parfois on perd, parfois on gagne. Mais c'est le jeu, un léopard ne meurt jamais mon pote. La ville m'a jamais souri. Malgré ça, je suis pas un rap. Zaza d'Insta. La Nocturne. Bonne berge. Cozy. Ah ouais. Allez, mon imam vivant. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Jeffy Bifouma. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Place de la Comédie. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. 45 en litre. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Lille 33 Bordeaux. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. 100% rap français. 100% explicite lyrics. Lunettes teintées, phare des noms, vitres teintées. Niska. J'partais au charbon. Oui. Les biches portent blindées. J'encore la dalle, j'suis pas gaffe. Oui. J'abonne toujours les mains gâtées. Oui. J'abonne toujours les mains gâtées. J'volais le goûter des enfants gâtés. Oh, oui, oui. Oui. Elle prend pas le cul. Elle veut pas se régater le clito. Le bendo na bendo. Tosse comme un charron. Oui. Petit niggas à l'oketo. Pas de race, pas, t'es vraiment paro. T'es vraiment paro. Paris Saint-Germain. Ouais. Et Bendo, Mathieu dit Charon. Ou pas Colis Choco. Maintenant, t'as même le terre rose. T'as même le terre rose. On paye pour qu'on t'arrose. Trafic NT et la parole. Trafic NT et la parole. On t'a niqué, toi t'as planté. Ouais. Plan A, je vais plomber. Ou comme la peu, je vais planter. J'commence allemand, j'commence allemand. Mathieu dit rock. On a la talement. Dans la rue, ça t'allume brutalement. On démarre soit en véhicule allemand. Allemand, allemand. Tu tires apparemment. Allemand. Accord allemand. Amant, amant. Pourquoi tu cries mon grand? Tiens. Vas-y prends un calmant. Auto chiome. Pour tous les frères qui tombent. J'entends jamais seul. Demande pas pourquoi derrière moi c'est sombre. C'est pas que je bombe. Mais mes frères c'est mon nombre. Oui. J'suis barbu, j'pose pas de bombe. J'veux pas l'enfer après ma tombe. Y'a pas de yo, donc je le braque. Faut bendo illico, gros y'a la bac. Faut baisser comme Nico, j'ai changé de bas. NS en hélico, j'suis en jetpack. On veut des sous comme l'auto. Pas de peine blanchée, pas de toto. Blanché dans l'auto, on est les best, y'a pas fait tout. C'est de l'argent, quitte à condition, protège la mi-feu. Et qui veut faire ardent feu comme un lac, on sait faire la guerre comme des sauvages. Puis comme des bisous, du cognac, bibi, des trolls, ils sont en face. Le thème c'est Tana, Tana, Tana, des Tana, des squads. J'fais mes doigts, hola amiga, amiga, les chicas font hella. J'fais ma moula, quitte à dépenser. Attaque à la marche comme un roubaix, outou, outou, outou. J'te mets les trois points comme Jordan et Moula. Allumé, manque de potes, tu vas, ça t'a touché. Raco, Bridgy, Trafic Kente, Madran, Mathieu Di Charo, sur le projet Charo Life. C'est la Nocturne, c'est 100% rap français. À venir le son de Jarod aussi, rayonnons. Yeah. Planète Rap.

Nocturne avec celui qui débarque dès lundi entre 20h et 21h dans Planète Rap, Caris. On l'attend avec impatience, le double fuck de Caris. C'est dès lundi à découvrir entre 20h et 21h. Passez une bonne nuit, merci d'avoir veillé tard. Merci pour vos messages. Continuez à balancer avec le hashtag Skyrock. On reste un petit peu, on traîne. On voit les messages de la Nocturne. Prochaine Nocturne dans une semaine. Et dès lundi, Caris, fabuleux. Ouais. On est prêt ou pas? Pour Caris, tu veux dire? Pour Caris et pour la suite du son. C'est toi qui prends le relais là. On y va. Mais faut que j'aille me coucher là. Go. Ciao, bonne nuit. Rap, R&B, non-stop.